Chapitre 18e. Bien des raisons obligeaient le colonel à reconnaître à chaque instant qu'il serait plus utile chez lui qu'aux avant-postes. Aux avant-postes, il sera une machine, chez lui, il était une direction. Et plus il avançait dans l'organisation de son ambulance, plus ses raisons prenaient de force cette évidence. Il était effrayé à la pensée de laisser cette lourde tâche, qui exigeait tous ses efforts, aux faibles mains de Thérèse. Ne serait-elle pas abattue et écrasée sous le fardeau dont il la chargeait? Sans doute, il trouvait en elle le zèle et le dévouement sur lesquels il avait compté, et au lieu de tromper ses espérances, elle les dépassait. Elle avait voulu étudier chacune des parties du rôle qu'elle avait à remplir. Elle l'avait fait avec une merveilleuse activité, voyant tout, examinant tout, dans l'ensemble aussi bien que dans le plus petit détail. Rien ne la rebutait. Rien ne lui paraissait indifférent, rien ne la fatiguait, de corps, d'esprit, toujours dispose. Mais ce qu'elle avait surtout réussi, ça avait été la conquête de ceux avec lesquels elle allait se trouver en contact. Le médecin et le chirurgien chargé de la direction de l'ambulance avaient fait son éloge au colonel de telle sorte qu'il était évident qu'elle les avait charmés. Madame Bénard, ordinairement réservée dans ses appréciations, et n'osant pas plus se prononcer en bien qu'en mal, déclarait franchement au colonel que Mademoiselle Thérèse était une jeune fille tout à fait accomplie. Quant à Horace, il ne déclarait rien du tout, étant trop respectueux pour se permettre de juger la cousine de son maître. Mais son attitude avec elle était suffisamment significative pour qu'on devinât ce qu'il pensait. Lorsqu'elle lui adressait la parole, il commençait à sourire. Les coins de sa bouche se tiraient en arrière, ses dents blanches se découvraient, ses paupières inférieures se plissaient, ses yeux devenaient brillants. Puis à mesure qu'elle avançait dans ses explications, son sourire se changeait en rire véritable. Ses yeux pétillaient, il s'épanouissait en largeur, sa bouche, son nez se dilataient, et toute sa physionomie prenait l'expression de la joie. Et cependant il l'écoutait, n'oubliant rien de ce qu'elle lui avait dit. Le comptable, qui devait l'aider dans l'administration générale de l'hôtel et de l'ambulance, homme grave et réfléchi, digne élève de M. Prudhomme, de qui il avait reçu les principes de Brard et de Saint-Omer, était émerveillé de son aptitude à comprendre la comptabilité. Sans doute elle ne savait pas, mais elle avait le sens de la chose, ce qui est bien rare avec les personnes du sexe. Les gens de service eux-mêmes paraissaient bien disposés en sa faveur, gagnés qu'ils étaient par sa simplicité et sa politesse. Ils étaient donc à peu près certains qu'elle n'aurait que de bonnes relations avec tout ce personnel, du plus élevé au plus humble. Mais qui pouvait savoir ce qui arriverait lorsqu'il ne serait plus là pour fortifier de sa présence l'autorité de cette jeune fille de 20 ans, en ce moment respectée parce qu'elle n'avait pas encore eu à parler fermement, mais qui pourrait bien être méconnue le jour où elle serait seule à commander. Dans des circonstances critiques, ne perdrait-elle pas la tête, la pauvre enfant? En mettant les choses au mieux, et en supposant que ces circonstances ne se présentassent point, ne succomberait-elle pas à la fatigue physique ou aux inquiétudes morales? Elle allait avoir sans cesse sous les yeux le spectacle de la douleur et de la maladie dans ce qu'elles ont de plus affreux. Et en même temps, elle allait aussi se trouver en contact avec des gens plus ou moins mal élevés, plus ou moins reconnaissants des soins qu'elle leur donnerait. Qui pouvait savoir quelle forme prendrait l'expression de cette reconnaissance? Pour un honnête homme, combien de vainqueurs? Assurément, il n'éprouvait aucune jalousie, mais devait-il l'exposer à des outrages qui l'humilieraient et la blesseraient? Toutes ces raisons lui faisaient envisager son départ avec des craintes sérieuses. Mais ce qu'Horace l'avait dit de Madame de Lucilière venait encore aggraver ses craintes et leur donner un caractère d'inquiétude personnelle qu'elle n'avait pas eu jusque-là. Et cependant, il fallait qu'il partît quand même. Il avait pris un engagement envers Michel, et malgré tout, il devait le remplir loyalement. Alors même qu'il voudrait y manquer, Antoine serait le premier à lui rappeler leur accord. C'était un devoir de délicatesse et d'honneur. Pendant qu'il organisait l'ambulance, Antoine et Michel, de leur côté, organisaient le bataillon de volontaires. Les engagements avaient été vite remplis. Ils avaient trouvé le contingent nécessaire presque entièrement parmi leurs amis ou leurs camarades. Michel, il est vrai, s'était employé à cette organisation avec une activité fiévreuse. Il avait hâte de quitter Paris. Il avait hâte surtout que le colonel s'éloignât de Thérèse. Les fusils étaient arrivés au jour fixé, et les objets d'équipement et de fourniment avaient été livrés dans les délais convenus. On avait pu procéder à l'élection des officiers et des sous-officiers. Ce jour-là, Michel avait convoqué le colonel, mais celui-ci ne s'était pas rendu à cette convocation, et il avait chargé son oncle d'expliquer à Michel les causes de son absence. Il avait fallu que Michel se contentât de ses explications, et l'on avait procédé aux élections sans que le colonel figurât sur les rôles de la compagnie. Michel avait été sergent-major. On le connaissait comme un homme ferme et droit, plein de courage. Il avait formé le bataillon. C'était là des titres sérieux pour qu'on lui conférât un grade. Mais parmi ces titres, il y en avait un qui primait tous les autres, sa condamnation à 15 ans de prison, qui en ce moment eût pu lui tenir lieu de bien des qualités. Il fut nommé commandant. Antoine, malgré son âge, avait tenu à s'engager dans un bataillon qui irait au feu. Mais à l'exemple de son neveu, il ne voulut aucun grade, et il fut obligé de solliciter ses amis, et ceux sur lesquels il avait de l'influence, pour empêcher qu'on le nommât officier. Ce n'était pas le temps où l'on attendait tranquillement que les régiments et les bataillons eussent parfait leur éducation militaire pour les mettre en service actif. Les Prussiens avançaient toujours, sans que rien arrêtât leur marche régulière, si ce n'est quelques viaducs et quelques ponts sautés. Ils étaient à Compiègne, à Château-Thierry, à Provins, à Dangis, à Meaux, à Melun, et chaque jour leur cercle se rapprochait. Chaque jour les chemins de fer de l'Est et du Nord annonçaient qu'ils diminuaient leur parcours. On n'allait plus que jusqu'à Creil, puis jusqu'à Pontoise seulement, puis jusqu'à Saint-Denis. Ils arrivaient. Un soir, à la nuit tombante, le concierge de l'hôtel Chamberlain vit passer devant son pavillon un homme boiteux et manchot, couvert de boue comme un chien perdu, qui aurait erré sur les chemins par un temps de pluie. Il paraissait accablé de fatigue, épuisé de besoin. Il demanda le colonel Chamberlain. Le concierge avait vu venir en ces derniers temps des gens d'aspect si étrange, qui avaient été reçus par le colonel, qu'il n'osa pas mettre ce misérable à la porte. Qui pouvait savoir? Et de fait, il avait eu raison, car ce misérable était Denisot, qui fut reçu affectueusement par le colonel et tendrement par Thérèse. « Eh bien, vous voyez, » dit-il en se laissant tomber sur une chaise, « je n'ai plus mon pot à colle. Je l'ai abandonné quand je n'ai plus d'affiche. Ah, j'ai joliment collé. Et j'étais parvenu à coller tout aussi bien qu'un afficheur de profession. Mais ça n'a servi à rien. Je suis allé au-devant d'eux, mais les brigands m'ont épargné la moitié du chemin. Il a fallu reculer. Je collais toujours. Hier encore, j'ai collé ma dernière affiche à Lagny. Mais elle a failli me coûter cher. J'étais en train de passer mon pinceau sur le papier quand des Uhlans sont arrivés sur moi. Je me suis retourné vers eux et je leur ai dit un mot allemand quand j'ai appris « lesen Sie das », ce qui signifie « lisez cela ». Savez-vous ce qu'ils m'ont répondu? Il y en avait un qui avait une espèce de long pistolet. Il m'a ajusté avec et m'a dit « si tu ne fiches pas le camp, mauvais manchot, je te fusille ». Le brigand parlait français comme vous et moi. Alors il a fallu battre en retraite et me voilà. À quoi est-ce que je vais être propre maintenant? Tout le monde a un fusil et je ne peux pas en tenir un. Rien à faire. Malheur. Mais le colonel le consola en lui disant qu'il allait lui donner quelque chose à faire, en le mettant dans un poste où il pourrait rendre d'utiles services. Où faut-il aller? Demanda Denisot en se levant comme s'il n'était pas fatigué. Restez ici. Il lui expliqua quel service il pouvait rendre dans l'ambulance. « En voilà un bonheur !» Pendant la formation du bataillon de volontaires, Michel était venu 3 fois seulement à l'hôtel Chamberlain, et encore n'avait-il fait que paraître et disparaître. Il semblait même qu'il ne voulut pas avoir d'entretien particulier avec Thérèse. Quelques mots d'affaires à la hâte et c'était tout. Il faisait cela sans bouderie, sans mauvaise humeur, non comme un jaloux, mais comme un homme qui ne veut rien donner d'un temps qui ne lui appartient pas. Pendant que Denisot racontait les incidents de sa malheureuse campagne, Michel arriva. Ce fut pour Denisot une grande joie de revoir son ami. Mais Michel ne s'abandonna pas dans l'expansion de son amitié. Après quelques courtes paroles d'affection, il vint au sujet qui l'amenait. « J'ai enfin reçu notre ordre de départ, » dit-il sans s'adresser à personne directement. Le colonel s'attendait à cette nouvelle d'un moment à l'autre. Thérèse l'attendait aussi. Cependant, ils se regardèrent. « Et quand partez-vous ? » demanda Sorieul. « Demain matin, à 9 heures, nous nous réunissons au boulevard Bourdon. Tous les hommes sont prévenus. « Et où allez-vous ? » demanda Sorieul. « On nous envoie dans le bois de Vincennes, là où on nous désignera notre poste. » Il se fit un moment de silence. Michel affecta de ne pas adresser ses paroles au colonel, comme s'il ne voulait pas lui rappeler qu'il y avait engagement de sa part de se joindre au bataillon le jour de l'entrée en campagne. Mais celui-ci ne se méprit pas sur cette réserve. « Vous dites à 9 heures, n'est-ce pas, au boulevard Bourdon ? » demanda-t-il. « C'est bien, j'y serai. » « Mais, mon cher Édouard, s'écria Sorieul, c'est impossible. Nous avons besoin de vous ici. Rappelez-vous que vous avez des rendez-vous fixés pour demain. Vous expliquerez pour quelle cause je les manque. Sans doute je peux comme vous discuter avec les entrepreneurs, mais c'est égal. Puisque vous avez commencé cette affaire, il vaut mieux que vous la terminiez. Je vais vous laisser une note écrite. » Sorieul n'insista pas auprès du colonel, mais il se tourna vers Michel. Est-ce que le colonel ne pourrait pas retarder son départ jusqu'à après-demain ? Vous n'allez pas que diable échanger des coups de fusil avec les Prussiens dès votre arrivée sur le terrain. D'ailleurs, vous ne trouverez pas de Prussiens. Et pourvu que le colonel arrive avant eux, cela suffit, il me semble. Le colonel est parfaitement libre, dit Michel. La tentation était grande. Un jour encore, un jour de plus. Un jour pour arranger toutes les affaires en train. Un jour pour Thérèse. Mais le colonel ne se laissa pas entraîner par cette perspective. Il leva la main. Tous les yeux se tournèrent vers lui, et dans ses yeux il lut les sentiments qui les animaient. Chez Thérèse, l'angoisse, chez Michel, l'inquiétude de la jalousie. « Mais non, je ne suis pas libre, » dit-il. « J'ai pris un engagement, je dois le tenir. » « Cependant, » objecta Sorieul, « il ne faut pas, pour la discipline, que mon absence soit excusée par l'amitié de notre chef. » « Cela serait d'un mauvais exemple. Je vous remercie, mon cher Michel, mais je n'accepte pas la faveur que vous m'accordez. Vous pouvez compter sur moi demain, à 9 heures. » Il se leva. « Je vous demande maintenant la permission de vous quitter. J'ai des ordres à donner et des instructions à écrire. Sorieul, voulez-vous venir avec moi, et vous aussi, Denisot, que je vous fasse conduire à la chambre que je vous ai réservée ? Car je vous attendais. » Il laissa ainsi Thérèse et Michel en tête à tête. Ils restèrent pendant assez longtemps en face l'un de l'autre, sans parler. Michel, les yeux attachés sur Thérèse, celle-ci, les yeux baissés. « Vous ne me dites rien ? » demanda-t-il enfin d'une voix que l'émotion rendait hésitante. Elle leva les yeux sur lui. « En venant ici, dit-il, je m'étais promis de ne pas aborder de sujets douloureux pour vous comme pour moi. Mais ces promesses qu'on prend seul avec soi-même sont bien faibles. Je vous vois, et je ne suis pas maître de retenir les paroles qui me montent du cœur. Pourquoi les retenir, dit-elle. Parce qu'il est lâche de parler pour vous adresser la demande qui me brûle les lèvres, que je voudrais refouler, et que cependant je ne peux pas ne pas dire. Elle le regarda tristement avec un sourire désolé, et lui tendant la main. Parlez, pauvre ami, parlez. Thérèse, nous allons nous séparer sans savoir quand nous nous reverrons, si nous nous reverrons. » Elle fit un geste pour l'interrompre, mais il poursuivit vivement. « Soyez certaine que ce n'est pas la peur de la mort qui me fait parler ainsi. Nous sommes à un moment où chacun a dû faire à la patrie le sacrifice de sa vie, et pour moi ce sacrifice est fait. C'est la peur de l'incertain, l'incertain. Je m'explique mal, sans doute, et ce n'est pas ce mot qu'il faudrait employer. Mais vous allez me comprendre. Il y a bientôt 1 an, vous avez pris l'engagement de devenir ma femme. Je l'ai pris et ne l'ai point oublié. Vous aviez fixé pour la date de notre mariage la fin de la présente année. Votre père, il y a quelques jours, m'a demandé de reculer cette date ou, plus justement, de ne plus tenir à une date fixe, mais de remettre notre mariage au moment où la guerre sera terminée. Pour cela, il ne m'a donné que de bonnes raisons. Ce n'est pas en ce moment qu'on doit penser à la joie et au bonheur. Cela est juste et je n'ai rien eu à répondre. Mais à vous, Thérèse, je voudrais adresser une question. Je vous écoute, prête à vous répondre. Est-ce vous qui avez eu l'idée de reculer cette date? Non. J'ignorais même que mon père vous eût fait cette demande. Un éclair de joie traversa son visage sombre, mais presque aussitôt il reprit son expression d'anxiété. « Encore une question, dit-il, une seule. L'engagement que vous avez pris il y a un an, êtes-vous encore aujourd'hui décidé à le tenir ?» Elle hésita un moment. Elle avait pâli, et sa poitrine se soulevait haletante. « Vous hésitez ? » s'écria-t-il. « Un mot, un seul, franchement, loyalement, oui ou non ?»« Oui, » dit-elle faiblement, puis avec plus de force. « Toujours. »